Stick the little bomb to stay. Dans ces océans. ce toi qui n'en finit pas de vieillir comme toi. Jamais personne qui est là pour toi. Tu aides les autres, mais toi, personne ne vient t'aider jamais. Personne ne te soutient jamais. Or, personne n'est là pour toi. Et toi, t'es là pour eux, mais eux sont pas là pour toi. Non, il n'y a rien, il n'y a rien ni personne dans ce monde-là. Ne sont plus, et ceux qui étaient là pour toi ne sont plus là. Non, ne sont plus là, il n'y aura plus jamais personne pour toi. C'est pour ça que là, devant cet océan, j'irai me noyer en le regardant juste avant. J'irai me noyer là-bas au fond. En salé et mourir, et personne ne se souciera de ce que tu es devenu. Personne ne te cherchera là-bas, personne. Thank you.